l'originalité. C'est fou, 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou pour la semaine du 16 au 22 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau à congé cette semaine encore une fois. Il est dans le Dôme Sifou où on vous invite à venir nous rejoindre pour ces spectacles fabuleux sur le campus de l'UQTR mardi, mercredi et jeudi soir avec plein de bonne musique. On en parlera plus tard. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on a 3 heures devant nous pour entendre la meilleure musique que Sifou va vous offrir, bien sûr. On va voir d'ici la fin, on va savoir si nos numéros 1 sont toujours Le Couleur avec Club Italien en francophone et White Horse avec Downtown en anglophone. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. On a des classiques du bon vieux temps avec C'était fou. On a aussi la section ailleurs dans les palmarès. Des surprises peut-être à travers tout ça. On a la portion New Shit, par contre, en première heure. C'est avec ça qu'on commence et on va pas mal remplir l'heure avec ça parce qu'on a des nouvelles entrées au nombre de 9. 9 nouvelles entrées. Donc, plus tard, on entendra Summerland, Lita, Del Bell, The High Dials, Don Sebastian, Towers, Napalm Palm. Mais on va débuter en 20e place avec du côté anglophone Danko Jones et Do You Wanna Rock. Et on va débuter en francophone avec Le Cri du Chat. Voici Danse Sauvage. Au 89.1 FM, c'est fou. nouvelle entrée. Watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, ah. So do you wanna ride? Oh, du gros facile de Dango Jones avec Do You Wanna Rock sur l'album Fire Music, qui est devenu entrer en 20e place anglophone. Dango Jones, qui est un groupe de rock canadien originaire de Toronto, composé de trois membres, le chanteur et guitariste Dango Jones, le bassiste John Calabrese et le batteur Rich Knox, qui a remplacé Adam Willard. Donc oui, une pièce facile, mais très accrocheuse en même temps, qui va probablement avoir du succès. Avant ça, le long 8 minutes, mais extrêmement plaisant, du Cri du Chat, la pièce Danse Sauvage sur l'album Pourquoi Personne ne regarde. Et le Cri du Chat, c'est un groupe d'indie électro post-rock avec Bernard Adams, à ne pas confondre avec l'autre, Bernard Adams, Marie-Ève Bonnet, clavier et voix. J'ai oublié Bernard Adams, c'est la guitare. Francis Denoncourt à la guitare, Simon Plouffe à la batterie et Nicolas Wood à la basse. Informations sur leur page Facebook ou sinon criduchat.info, c'est leur site web pour le Cri du Chat. En 19e place maintenant, en anglophone, c'est le retour, deuxième pièce pour l'album The Unconditional Love of Napalm Pom par Napalm Pom. Elle s'appelle Seamstress, elle est très bonne, j'ai déjà entendu, ça vaut la peine. Et avant ça, en francophone, c'est la première fois qu'on va l'écouter ensemble. La formation s'appelle Lita, leur album aussi, et leur pièce est La Mélancolie nous sort du nez dans les panneaux assez fous sur le 89.1 FM. Thank you. et un décalage en jeans. C'est peut-être le temps qu'il s'assoit sur mes genoux. Ma montre stoppe ses aiguilles de spleen. Les chiffres mains sont imprimés sur mes joues. Enfin l'ascenseur se ferme ailleurs. Nos lèvres brûlent mais endurent bien peu. C'est impossible de finir sa vie toute seule. Car de la violence paresseuse. Jamais je vais enlever ta face. La corde à linge, la corde à linge. J'aime bien quand les orages écoutent les pluies. Puis que ton cœur déborde de larmes. C'est peut-être le bon Dieu qui fait du bruit. Jamais, pis c'est pas grave. Les saisons font plus pousser de feuilles. Les saisons font plus pousser de feuilles. L'automne goûte la bière, pis ça j'comprends. C'est impossible de finir sa vie toute seule. Quand les hormones en plein déménagement. Avec l'hostie rouge à lèvres. Pendant que le tank font un sourire de plomb. Moi je reste heureux avec mon 104 de fièvre. Personne m'appelle par mon nom. On est tellement ben dans son fond de poubelle. La boîte c'est le corps ben des bonnes élections. C'est ça une mélancolie dans un gros chaud de poêle. C'est encore vrai que t'es en train de fondre. Le sang dans ta barbe pis ton rire forcé. Il est peut-être temps que ça se fasse donc. Plutôt que de ramasser ton corps sur mon plancher. Ma corde à linge est pleine de visages. Ça coule sur mon gazon. Pourtant c'est juste une image. J'ai perdu pour prendre des vacances à la plage. Pour que le sel enlève tout mon maquillage. Finir sa vie toute seule, sauf sur une corde à linge après une claque. Ça y est, on dit que t'es en train de fondre. Tu redescends vraiment du sein. Pour ce que tu fais partie de mon monde, jamais je vais oublier ta face. Nouvelle entrée. Ça ressemble à un autre fake out, ça. Il va en avoir un autre. J'ai peur qu'il y en ait un autre. Attention. Un, non. Badaboum, non. C'est réel. C'est mon film. Napalm Pam, excellent, c'est bien l'album. The Unconditional Love of Napalm Pam, c'est le deuxième extrait. Il s'appelle Seamstress. Évidemment, Napalm Pam, un groupe qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on a découvert dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Et c'est PJ Lavergne à la gorge, Craig Evans aux cordes, Sean Patch aux cordes, Ian Baker aux grosses cordes et Matthew Bailiff au pot. Hein, c'est tellement imagé comme description. C'est un groupe de Calgary en Alberta, Napalm Palm, qui joue du rock and roll. Avant ça, on a entendu Lita. Lita Music, si vous voulez chercher, parce que j'avoue que le mot Lita, en tant que tel, sur Google, on me demande si je voulais dire Li. Non, sinon j'aurais tapé Li. C'était fondé le 11 juin 2011 avec Alexandre Gariepi, Nicolas Rivet, Louis Aublet, Charles Beaulieu et Philippe Léveillé. C'est un groupe de Montréal. LitaMusic.bandcamp.com. Lita, c'est avant tout l'addition de quatre amis de longue date qui ont une passion commune et maladie pour la musique. Groupe folk de Montréal. Ils découvrent en 2011 la magie qui résulte de leurs instruments joués tous en même temps. Après avoir produit leur démo In My Head en 2012, joué une cinquantaine de spectacles ouverts pour les Cowboys Fringants et gagné le concours Challenge Rock de Belly en 2013, Lita lance son premier album homonyme en 2015. Alternant entre les textes français et les textes anglais livrés par la voix enivrante de Charles Beaulieu, l'album vous séduira dès la première note, nous dit-il. Mandoline et contrebasse se faufilent dans un univers folk progressif et festif d'influence rock, sont chaleureusement accompagnés par diverses guitares. Voilà. Pour Lita. Il nous reste encore vraiment beaucoup de nouvelles entrées. On est rendu à une demi-heure du début de l'émission. Il nous en reste probablement l'équivalent d'une autre demi-heure de nouveautés. Donc, attachez-vous bien comme faut. Position numéro 18, anglophone, c'est Towers, mais écrit T-T-W-W-R-R-S-S, hein, parce que, encore une fois, Lita l'a prouvé. Sur Google, tu peux rien trouver si tu t'appelles pas avec un nom bizarre. Donc, Towers avec des doubles lettres et un manque évident de voyelles. La pièce s'appelle Rooftop sur leur album Towers 2. Fils de Towers, j'imagine. On commence en 18e place francophone. Par contre, voici un autre nouvel extrait. On ne les compte plus, les extraits de Summerland. Je sais qu'on a eu Encore loin de toi. On a eu Coup de vent sur le palmarès. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'en reconnais pas d'autres. Je crois que c'est le troisième extrait. Si tout va bien, ça devrait être le troisième extrait qu'on entend de Summerland. Donc voici juste un peu trop tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Oh non! Ah! À place de faire play, j'ai fait eject. C'est quand même pratique comme bouton. T'sais. Une chance qu'il n'y a pas un bouton eject sur la console parce que je suis sûr que je réussirais à peser dessus. Donc, la pièce de Summerland, juste un peu trop, ça commence à l'instant. Et puis, pèse pas sur eject. Là. Come on. Pèse sur play. Ah ouais. C'est pas mal, c'est fou. 89 FM. Play. musique en marge. C'est fou, 89.1. Nouvelle entrée. C'était Towers et la pièce Rooftop dans les palmarès. C'est fou, c'est la position numéro 18 du côté anglophone. Nouvel album Towers 2 pour cette formation électronique instrumentale. Towers, ben oui. C'est sorti, ça vient tout juste de sortir en fait à la fin du mois de janvier. Avant ça, du côté francophone, c'était Summerland et juste un peu trop, nouvelle entrée de l'album 2012. On a terminé du côté francophone, seulement des pièces qui ne sont pas nouvelles du côté-là, donc on va abandonner le franco pour rester en anglo, entendre nos trois dernières nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Delbel ainsi que The High Dials, deuxième extrait de leur album In the Aim Wilds, mais pour l'instant, voici un deuxième extrait de l'album Girls in Peacetime Wanna Dance par Bell and Sebastian. Oui, la pièce s'appelle Party Line, tout de suite dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir sur le 89.1 FM.

Nouvelle entrée. C'était Del Bell et In My Solitude, nouvelle entrée en 15e place anglophone. C'était précédé de la 16e anglophone de High Dials et Yester Graves, deuxième extrait de leur album In the AM Wilds. On a débuté avec un deuxième extrait de l'album Girls in Peacetime Wanna Dance par Belle and Sebastian. C'était The Party Line. Donc voilà pour les nouvelles entrées. On en a entendu 9, oui, 9 nouvelles entrées. Mais ça, ça veut aussi dire qu'on dit au revoir à 9 autres. Voici Palm Rest in Peace. Just voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès.

beside you were half awake, and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by the books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now I look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. I'm marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent blow. It was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. On to the Dance Machine et Nobody's Empire qui a duré 8 semaines dans le bloc Palmer Rest in Peace. C'est la pièce qui me rend le plus triste cette semaine. D'avoir parti comme mon enfant, qui s'en va à l'école. Je sais pas trop quelle autre analogie je préfère. On prend une petite pause, on revient avec la deuxième heure des Palmer Rest in Peace. Les positions 10 à 6 là-dedans. Entre autres, huis clos, Amor Blitz, Navarre, The Marwills, Viet Cong et Lisa Leblanc. Restez là, les Palmer Rest in Peace, dans 2 minutes. Nuance. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Deuxième heure des Palmer Rest in Peace pour la semaine du 16 au 22 mars 2015. La portion top 10. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est présentement dans le Dôme. C'est fou. Parlant de Dôme, c'est fou. On devrait avoir une petite surprise pour vous dans une demi-heure environ. Donc, restez à l'écoute pour ça. Avant, par contre, il va y avoir notre segment en instant classique. Et pour continuer à l'instant avec nos positions numéro... avant, c'est ça. Je me demandais où je m'en allais. C'est parce qu'on sort par le seul paquet d'affaires. C'est le moment... fatigué par le son, on saute un peu à la fin. C'est pour ça tantôt je vous disais que j'avais pas le temps de faire jouer le Nobody's Empire, mais ça me dérange pas parce que moi les règles, hein, tu sais. Hein. Donc on va y aller tout de suite avec les 10e places. Du côté anglophone, ce sera James Irwin et Michigan Miami. Mais avant ça, en 10e francophone, c'est Pat Ground qu'on retrouve. Il monte de 3 places avec N'oublie pas la couleur. Et pour ce qu'on a sauté, on a sauté par-dessus Claude Bégin, Fauve, Marie-Pierre Arthur, Tire le Coyote, Dumas, Caravane et Chocolat en franco. Et en anglo, c'était Spoon River, The Season, Skyro et Freak Heat Waves. Ça en fait des choses à sauter, mais ça en fait des choses qu'on va peut-être réussir à jouer d'ici la fin de l'émission. Quoique avec le plan que j'ai pour plus tard, ça risque pas d'arriver. Donc, 10e place, James Irwin et Pat Ground. Tout de suite au 89 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. Dépose ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ces défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Dessine pas mes mains, prends le bleu de tes yeux, étends-le dans le ciel, et plus gros le soleil. Fais chanter les

c'était James Irwin et Michigan Miami qui descendent une place en 10e anglophone sur l'album Unreal. Et avant ça, c'était Pat Brown et N'oublie pas la couleur qui monte de 3 places. Tantôt, on aura Huit Clos et DeMar Wills. Mais avant de continuer, c'est déjà le moment d'un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 mars 2015. Le rhume t'a pas encore attrapé, toi, ou hein? Si le rhume m'a pas rattrapé, ouais. Es-tu fou, toi? Je suis malade, là. C'est cool. Incroyable. Bon, join the club. Olivier Lessard, es-tu malade, toi? Non, moi, donc, ça va bien. Ben, tiens-toi loin. Je reviens au fait avant. Je sais que je recule dans le temps, mais ça m'a pris quand... Il y a du montage à faire. On va le remettre dans le bon ordre, mais ça va paraître à cause de la musique, t'sais. On va attendre d'arriver au même bout de la toune. Au beat. Non, je sais pas c'était où. Ok, tu disais. Tu t'arrangeras avec ça. David Ferron, certains diraient comme un genre de petit animal attachant, mettons. Grrr, miaou, miaou. Pui, pui. Pui, pui. Et donc, on l'accueille avec les notes salées. Nat, salé! Nat, là! Nat, salé! Comment ça, salé de même? Nat, salé! Ça a l'air que si tu couches sur le dos, tu flottes! Ça doit être malade! Tu sais, les rurines, couché dans l'eau! Nat, salé! C'est de la fun! Tu flottes! Salé! T'es bien! T'as pas de gorgée, par exemple! Nat! Les artistes, ils ont des hauts et des bas, hein! Fait que c'est une source, en fait, intarissable! Des hauts et des bas! Ça pourrait être le nom de l'émission de débat! Ah oui! Ça pourrait aussi ne pas être. Je suis sûr que ça a déjà été fait. C'est trop facile. Trop facile. Eh bien. Ou une émission sur les déshonorisants. Des hauts et des bas. Des bas. Sur, hey, moi, je préfère le axe. Moi, je préfère. La nouvelle fleur. C'est nickel. Là, on est dans les expressions françaises, mais on connaît c'est quoi. Ça veut dire c'est d'une propreté irréprochable. C'est pas un pays, c'est lequel? Le Sénégal, moi, en Afrique. mais pourtant, quelqu'un qui frise le ridicule, c'est simplement quelqu'un qui s'en approche très près, mais réussit tout juste à l'éviter, volontairement ou pas. Eh ben, et voilà. Ne pas confondre friser le ridicule avec Poil de poche le malaisant, qui est son frère. Ma! En fait, j'ai l'air de bien aimer les animaux parce que là, la dernière fois, c'était les nounours et là, je parle les de requins. Les nounours. Les... Il y a comme trop. T'étais trop attiré sur la première syllabe de noun. Un petit peu, je trouvais, là. Mais bon. Non! Nounours. Ça nous prend 8 dates medjool. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est les grosses dates juteuses. Comme quand tu te fais frapper dans les couilles. Oh, medjool! Tu dis ça, t'es Jawa? Mais oui. Pas sûr qu'ils sont séchés tant que ça. Ils sont comme semi-séchés. Il y a encore le noyau. Ils sont très juteuses. Le noyau, il est-tu dans le midjour? Dans le midjour? Dans le midjour, la date. Ouais. Le gag à faire, c'est arrêter. Stuck in the midjour with you. Stuck in the midjour with you. C'est drôle, ça? Ouais. Ben, c'est drôle. Ouais. C'est sûrement plus drôle quand c'est pas expliqué, genre. Quand c'est comme sur le moment, vite. Ouais, quand c'est spontané. C'est ça. On va parler de choses pour se mettre en forme, peut-être perdre ma petite poitrine de puberté. Le pubienne, mot non, pub pas commence, sûr. C'est ça. C'est comme le bloc pub, hein, la chronique, le bloc pub, là, c'est ce le que bloc ça veut pubien. Dire. C'est le bloc pubien. Ok, j'avais pas compris ça de même. Il y a tout le temps quelqu'un c'est proche de nous. Toi, Stéphanie, je sais pas si t'en as. Tu sais, oui. Diabète, type 1, type 2, grossesse. Il faut en faire ce qu'elle dit, comme dans Jean Diabète. Ah, oh, mon Dieu, mais bonne, celle-là, je la retiens. La note, merci. La note. Moi aussi, diabète. Moi aussi, voilà, OK, je la retiens. C'est qui déjà la fille de l'autre, le diabète Blouin-Bratouin? Hey, on est rendu à 7 jeux de mots. Le petit pancréas qui est caché en arrière de l'estomac, qui sécrète ou non de l'insuline. Tout des pancréas du pancréas. Voilà, c'est beau. À la pancréation. À la pancréation. Attends, de... va pas trop vite, faut que j'ai une note, tes jeux de mots. Faut que j'ai une note. Taux de glucose élevé dans les urines. Ouais, faut que tu vérifies, là. Faut que tu goûtes. C'est dur à le viser correctement. Non, c'est sucré, ça se dépendant du sexe. Ah, bon parce que t'es quand même plus capable de viser, tu penses? On pourrait faire un test dans les coulisses. Je t'en reviens là-dessus. Entre nous. OK, entre nous. Entre toi et moi. Jésus qui est dans le coin. Il était à genoux dans le coin et il a fait un mauvais coup. T'es en train de se pisser derrière. Ouais. Ah, mon Dieu, ça, c'est pas. The Nick, en fait, c'est une série médicale. Gars. Si ça avait été une série sur la politique montréalaise, ça avait été The Nick Oder, mettons. Ça avait... Ah, moi, je le trouve bon. Je connais pas la politique, j'essaie d'en faire, mais je suis pas. T'es correct. Parce que je sais pas s'il est vraiment policier montréalais. Je sais pas. Comment? Ben, Montréal. C'est pas Denis mal. Denis Coderre, c'est pas mal le maire de Montréal. Ok, tu vois, comment je peux courir, c'est bon. Ok. Fait que si je fais juste rien dire, ça paraîtrait pas que c'était comme ouais, un gag. Ouais, t'aurais eu l'air vraiment moins niaiseux. Ah, cool. Merci. Faudrait que tu te coupes, t'en sors. T'es-tu capable de comme couper de les dernières minutes? Ouais, c'est ça. Pour les meilleurs ouais, moments, je vais mettre juste le bout où c'était drôle. Donc, il va mettre au complet. Ouais, il est clair. Tellement mazo. Je veux dire, c'était pas comme un appendicite, là. Je veux dire. Un appendicite. J'imagine le petit appendicite. T'imagines le petit appendicite. Tu le vois d'ici, là, le petit lapin? L'appendicite, ouais. Excuse-moi. C'est Pâques, hein, qui s'en vient. C'est fait ça. Que... On parle des groupes sanguins, on sait pas mal de tout. Mais ça, les groupes sanguins, à ne pas confondre avec les groupes sanguins, c'est les clubs des gens qui perdent tout le temps au casino. Là. C'est les groupes sanguins. T'sais. Ouais, les groupes sanguins. Ils n'ont pas de gain. T'sais. Ah, j'ai trouvé de celle-là. J'ai des cheveux la grosseur de Jupiter, ma foi. J'ai pogné le vent. Oui. oui. Tu sais, une trappe d'égout, ça peut faire lever les jupes. Toi, qu'est-ce qui fait lever Jupiter, tes cheveux? Oh, wow. Je sais pas. Ah, c'est cas, loin. Ah, c'est loin. Marilyn Monroe, toi. Justine Renaud qui est là. Donc, Justine Renaud Monroe. Voilà. Le feu, là, sérieusement, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'allais dire que je t'écouterais en parler pendant des heures parce que c'était vraiment très intéressant, comme toujours. Mais en tout cas, moi, j'ai appris. Moi, je fais ça pour moi-même. Là, je me suis vraiment plu. Les feux de l'amour. T'as eu du fun. Du fun. J'ai eu beaucoup de fun. Fantastique. C'était fantastique. Fabuleux. Un peu joli feu. C'est fait nul. Ce fut le fun. Ce fut le fun. Ah, c'est bon. Moment d'assemblage requis, voyons pas les moments assez fous, il y en a pas bien de ça, des meilleurs moments des paroles assez fous depuis quelques semaines. Hein? Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 mars 2015 avec une semaine de délai comme toujours. À retrouver assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30, c'est animé par Stéphanie Paradis et moi-même Mathieu Plante avec un paquet de chroniqueurs les plus diversifiés que vous avez jamais vus. Il n'y a pas un seul sujet qui se ressemble là-dedans, il n'y a pas deux sujets qui se ressemblent ensemble. Bref. Voilà, pour un instant classique, on fait ça en deuxième heure dans les paroles assez fous. Maintenant, on est rendu au 9e place du côté anglophone. C'est DeMar Wills avec Don't Go Home qui descend de 5. C'est bien ça, de 5, oui, avec 7 semaines de présence. Avant ça, par contre, voici 8 clos qui est là depuis 4 semaines. Ça descend de 3 et c'est la danse des morts. On parle assez fou sur la 89 FM. A pris sa grosse voiture pour aller en bas sur le mur. Camille aime bien le cinéma, mais je ne crois pas qu'elle s'y rendra. Car entre le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Fauché à la hauteur des hanches, il l'a reçu droit sur son banc. Assassin sentait si bon. Bien sûr, en d'autres circonstances, il n'aurait vraiment pas dit non. À une nuit chez elle ou chez lui, ou à quatre pattes dans sa voiture, Camille avait de bonnes idées. Ah, quel dommage de l'avoir tué. C'est la danse des morts. C'est la danse des morts. C'est la danse du mur et de la voiture. C'est la danse des morts. David a pris sa grosse voiture pour aller embrasser le mur. Bertrand attend son quatrième, il ne lui dira jamais je t'aime. Car entre le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Bertrand écrasé sous les roues, étrangement avait l'air souriant. Finir sa vie si subitement, c'est la vengeance qui l'attendait. Pleurez-moi tous, femmes et enfants, comprenez bien mon importance. Malheureusement, il n'en fut rien, ils étaient tous indifférents. À part Johan, sa secrétaire, qui le pleura pendant 2 ans. C'est la danse des morts. C'est la danse. la grosse voiture pour aller embrasser le mur. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Neuf. I think I'm wasting my youth on you. I think I'm wasting my youth. C'était Youth par The Moors, position numéro 8, qui monte de 12, c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, on a entendu du côté anglophone The Marwheels avec Don't Go Home, qui descend de la 4e, et en francophone, au tout début du bloc, c'était Huit Clos avec La Danse des Morts. On saute par-dessus Amor Blitz en 8e francophone avec Kilimanjaro. Malheureusement, on va peut-être récupérer ça d'ici la fin de l'émission, mais on a une très bonne raison de sauter par-dessus les affaires. Parce que les deux qui vont vous faire sauter sur scène ce soir et autres liens douteux vers notre entrevue avec Artist of the Year. Ouais, je sais. Peut-être êtes-vous tombé, vous, auditeurs, sous le charme des merveilleux enrobages des palmarès. C'est fou qu'on entend toujours derrière moi, puis qui sont comme super beatés comparé à ma voix qui a l'air quasiment plate par moment, mais ça me met dedans, une fois que la musique passe. Donc, les enrobages sonores des palmarès, c'est fou depuis comme beaucoup trop longtemps, probablement 2005-2006. En fait, rien ne provoque autant de commentaires que les fonds puis les thèmes des palmarès, c'est fou. Même mes jeux de mots poches sont pas réussi à dépasser ça. Et ça a toujours été donc Artist of the Year. On changerait ça pour aucune raison. Et ils sont avec nous en studio pour changer du spectacle de ce soir qui a eu dans le Dôme. C'est fou, juste à ma droite. Bonjour les gars, Camille et David. Hello. De Artist of the Year. Comment Salut. Allez-vous? Très bien. Oui. Heureux de voir le Dôme devant vous, dont on parle tant depuis des mois. Oui. On l'a cherché tantôt et on a fini par le trouver et on était vraiment satisfait. On fait des tours de machine autour sur des tours de machine pendant à peu près une demi-heure. De Sam Domi, Sam Boni. Oui, c'est ça que je le disais par jeu de mots. Par une de l'automne, oui. Puis refais-la, tu vois, elle va c'est, marcher. Okay, c'est bon. Attends, là, je pourrais vous dire bonjour, puis là, vous dire genre, domo arigato. Tu sais, quelque chose de genre. Il faudrait recommencer encore. À chaque fois, je reparle à tout, ça va être écœurant. Donc, groupe Artist of the Year, on dit tout le temps funk électronique. Est-ce que vous trouvez que ça décrit bien votre groupe ou est-ce que vous trouvez que c'est un mot. C'est trop court, hein? Ça décrit pas assez. Ça décrit une partie. Une partie de ce qu'on est, oui. Je dirais punk aussi, rock okay. aussi, trash, nu. Nu, est-ce que ça dit ouais. nu? Ok. Ben nu comme d'électro nu. Ok, nu comme. Non, le mot nudité, nu. Là. Ok, ok. Ouais, l'électro nudité. Faut se comprendre dans la vie, ça. Ouais, mais tu sais, avec aujourd'hui la musique, ça avance tellement vite, il y a tout le temps des termes qui s'inventent à la seconde près, ben c'est ça. On est toujours à la fine pointe. Oui. C'est nouveau. Ouais. Dans le studio, on est toujours nu. Non, mais c'est ça, des fois on compose dans la nudité, donc il faut que ça transparaisse quelque part. Hein? Ben, c'est ça, c'est ça. Particulièrement instrumental, votre musique. Des fois, il y a un petit peu de chant, mais c'est pas mal des yé-yé-yé, des yo-yo-yo, des onomatopées. C'est ça. Ou des phrases vraiment stupides. Qu'est-ce qui vous inspire pour les paroles vraiment stupides de Artist of the Year? Ben, on se dit que tant qu'avoir rien à dire, aussi bien chanter n'importe quoi. C'est vrai. Mais c'est souvent super dur finalement parce que t'as fait le tour une année des onomatopées là. Ouais. Que peux-tu dire d'autre que wow, woo, yay, puis à un moment donné. Chill, nice whack, à un moment donné. Ouais. C'est ça. Fait que là, on trouve des phrases. C'est ça. C'est rendu aussi complexe de trouver des onomatopées que des paroles intelligentes, semble-t-il. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est un auteur par chanson ou est-ce que vous collaborez sur collabore. Ces yay, yay, yay? Yay, yay. Elle a une parole. Je pense que ça a pris 3 heures à écrire. Il y a quand même beaucoup de yeux dans la chanson, faut compter. C'est vrai qu'il fallait toutes les écrire un à un. Chacun est responsable d'une partie ouais, de yeux. Chacun, ouais, c'est ça. Moi j'avais le Y. C'est vrai. Il y a ce qu'il y a un point d'exclamation là, il y a un featuring, je pense. Il y a 3 points d'exclamation. Oui, 3 points d'exclamation. Fanny Blue. Parce qu'il est partout. C'est mais t'es pas connu dans ce temps-là, mais non. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu. Vous êtes pas les deux seuls membres du band? Est-ce qu'il y a d'autres membres? Parce que j'ai entendu formule DJ 7. Ouais, ce soir c'est DJ parce que c'est ça qu'on nous a demandé de faire. D'habitude, ouais. On est accompagné du très suave Louis ouais. Coutu, le drummer. Uh-huh. Puis on est accompagné aussi de tous nos instruments de musique, mais ce soir... Est-ce que vous avez donné des prénoms à vos instruments de musique, ça veut dire? Oui, mais ça, c'est très personnel. Ah, OK, excuse-moi, je ne l'ai pas embarqué là-dedans. Pour vrai, je pensais que c'était public, je pense. Ouais, toi, tu fais ce que tu veux avec ta guitare, moi. Mais non, en fait, mais c'est une bonne idée. Oui? Maintenant que j'y pense. Hein. Mais toi, tu l'as pas nommé comme ta mère, tu m'avais dit? Ou... Non. Non? Je sais pas, il y a Charlie qui me vient en tête, mais okay. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, mais le petit nouveau, Charlie. Peut-être. Ouais. Parce que David, il s'achète une guitare par mois, on dirait. Là. Ouais. J'en revends 2 aussi. Ok, ok. Mais je comprends ce principe-là de revendre pour acheter, c'est merveilleux. Est-ce que vous achetez des trucs vintage, des trucs récents? Hein? Moi, je mélange les deux. On mélange les deux. Je suis très ouvert à ce que. On n'est pas des puristes, comme on pourrait dire. Okay. Puis on aime ça les affaires qui fonctionnent sans avoir besoin d'un réparateur à chaque année. S'ils s'allument, c'est déjà un bon début. Oui. C'est ça qui arrive avec les vieilles affaires. C'est waouh, c'est beau, ça sent la grand-mère. puis ça sonne bien. Puis là, après ça, oups, à chaque 6 mois, faut que tu ailles chez le docteur avec parce que ça sonne bien, mais ça s'étouffe, ça tousse. Je trouvais le parallèle très bon avec les femmes, en fait, dans ce que tu dis. En tant que ça s'allume, puis. Oui. C'est ça. Mais des fois, ça s'étouffe. Ouais, des fois, ça s'étouffe. Peux-tu te presser, c'est 18 ans et plus ton émission aujourd'hui? M'amènes, j'ai goût. Là, j'ai goût de faire ça. Ça pourrait déraper. Pour me retenir. Vous jouez avec Beat Market ce soir. Yes. On a parlé de Meat Market, qui a rencontré un instrument de musique ou une dame âgée. Mm. Mais Beat Market, vous êtes en deuxième. Est-ce que c'est une deuxième partie ou est-ce que c'est vraiment comme plateau 2? Je pense que c'est un double bill. C'est ça. Ouais. Le dernier spectacle qu'on a fait, c'était justement avec eux. Puis on a fait l'amour pas mal. On s'aime beaucoup déjà, je peux le dire. On va sûrement parler de Gear Analog ce soir dans la loge. Okay. De synthétiseurs et de. Définitivement. Ils sont forts là-dessus aussi. Puis on a une petite connivence. Là. Ah ouais, puis telle affaire, puis telle affaire. Ah ouais, puis telle affaire. Puis maudit que c'est pas payant à faire de musique. Puis moi. Etc. Ouais, j'aime ça. Du Gear Vintage. On dirait quelque chose, une application comme genre Gear Grinder à la place. j'essaie des fois. Merci. Est-ce que d'autres spectacles à venir dans les mois à venir, autre que le Dôme C'est Fou, mettons, pour tout de suite parler des spectacles, ceux qui vont manquer le Dôme C'est Fou ce soir? Il y a du studio beaucoup. OK. C'est vraiment ça. Pour un prochain album? On travaille sur album, projet. Connex. Tellement de. C'est du laboratoire qu'on dit. Mais on joue à Ups and Rocks au mois de mai. OK. À Dunham. Fin mai, je pense, à Dunham. OK, cool. Quand vous faites des spectacles en ce moment, est-ce que vous faites vous faites l'album Up Yours, c'est sûr, le plus récent vrai album? On couvre vraiment pas mal tout ce qu'on fait. Le passé jusqu'au gala, jusqu'à... Le gala est peut-être exclu de la patente, malheureusement. Mais sinon, ça touche pas mal à tout. Ouais, on se promène dans toutes les chansons qu'on a dans le répertoire. Ouais. Glauque? Bon, ça. C'est bon. Glauque, plus DJ que. On n'a pas pratiqué de chansons live avec le groupe de Glauque, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Puis c'est drôle parce que c'est l'album le plus. Relax, peut-être? Ouais, si on veut. Puis on s'en fait tellement parler souvent de cet album-là. C'est excellent, ça. Ouais. Il est gratuit aussi, c'est pour ça qu'il y a plus de monde qui l'ont. Voilà. Mais si on parle de Shape Up, justement, c'est la trame sonore d'un jeu vidéo, Shape Up. Ouais. J'imagine que c'est un contrat que vous êtes bien heureux d'avoir eu, mais comment ça s'est passé, cette histoire-là, avec Shape Up? Oui, ils nous ont appelé. Ouais. Ils cherchaient. Sur du goût, faut dire. Exactement. Donc, les directeurs artistiques, ils cherchaient quelque chose d'irrévérencieux et d'un peu sordide et d'entraînant pour un jeu d'exercice. Puis, ils ont pensé à nous. Puis, ils ont essayé des studios de musique X, puis ça n'a pas très bien fonctionné. Fait qu'ils se sont tournés vers le groupe, en fait. C'est de la magie que ça s'est passé comme définitivement, ça. Définitivement. Si on parle d'autres trucs nouveaux, je sais pas, parce que c'est quand même récent, là, mais il y a eu un remix pour une pièce de Piff Paff Hangover, Whatever mm-hmm. Works. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous aimeriez remixer éventuellement? On disait ça dans l'auto tantôt. Beat Market est sûrement en train de travailler sur un nouvel album. On aimerait ça peut-être faire de la musique avec eux aussi. Le contact est déjà fait. Non, oui, mais on s'est vraiment bien entendu pour vrai. Ouais. Là, fait que ça serait bien fun. Puis sinon, on aime bien le monde à la Claire aussi, avec qui on s'entend bien. Puis on jouait ici même dans le Dôme aussi mardi soir, les gars. On les a. Quand on se croise, on les croise à Montréal des fois, puis c'est tout le temps, on devrait faire de quoi ensemble. Puis. Faudrait peser sur le gaz là-dessus aussi, mais on est tellement occupés. Tellement occupés. Dis tout ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez eu le temps de sortir la pièce Crazy Granny qui vient juste il y a quelques mois à peine. Je sais que c'est pas là dans la semaine, mais quand même. Votre musique, est-ce que c'est toujours enregistré dans un appartement de Montréal? Oui. En très grosse partie. En très, très grosse partie. 99,2%. Si tu veux. 99,2%. David est très bon avec les statistiques. Toujours. À la décimale près. Ça ressemble au savon qui élimine les microbes à ce pourcentage-là. Genre, le 0.8, ça serait peut-être quelques onomatopées qui sont trouvées sur la toilette. That's it. OK. En regardant les dessins animés, on sait que ça fait partie de votre biographie aussi, que c'est inspiré de l'animation. Bob l'éponge. Fait que c'est la toilette, un petit épisode toilette, de Bob l'éponge. Je check plus Kijiji pour trouver des scènes de tête. C'est moi l'amateur de dessins animés. Ah ouais, OK. Moi, c'est en déjeunant avec mes cornflakes. OK, c'est la toilette. Non, je déjeune pas cette fois-là. Chacun ses affaires à sa place. Là, oui. On peut acheter votre musique sur Bandcamp, sur iTunes. Sûr. D'autres façons que vous aimez plus que ça? Est-ce qu'il y en a qui vont vous donner plus d'argent puis il faut aller passer par là? Le Louder ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres affaires qui existent? Non. Pas mal là? Non, Bandcamp est privilégié parce que ça tombe plus directement dans les poches de l'artiste. Mais sinon. Acheter un album physique sur notre label, non, ça nous fait plus. Ah, c'est bien. On est riche quand vous nous achetez notre label directement au Manufacturier. Ouais. Je pense que là, je l'ai pris, j'ai eu physique l'album avec tous les fruits. Fait que c'est sûrement Camille qui te l'a posté. Peut-être. Aïe, aïe. C'est moi qui ai écrit la belle typo qu'il y avait sur ton enveloppe, c'est moi ça. Ah, waouh. Aïe, aïe. Donc, le Dôme, c'est fou, on le rappelle, c'est ce soir. Oui. Ça commence à 21h. Ça se termine aux petites heures du matin avec Beat Market et Artist of the Year. Les billets sont en vente jusqu'à la fin de l'émission. À 18h, je sais pas si ça a été timé avec la fin de l'émission. Probablement pas. Mais les billets sont sur lepointdevente.com. C'est 7$ pour les étudiants, 10$ pour les non-étudients. Il va y avoir des billets à la porte. 10$ étudiants, 13$ non-étudiants. Les portes ouvrent à 20h. Évidemment, c'est la première édition du Dôme, c'est fou. On va vous retrouver là-dedans. Qu'est-ce que ça a de spécial, le Dôme, à part être une salle en forme de dôme? Ben, en fait. L'écho, peut-être? Ouais, l'écho est intéressant. Ouais, c'est très, très spécial, ça, oui, c'est vrai. Mais c'est notre premier vrai passage à Trois-Rivières pour Artist of the Year. Fait qu'il faudrait que ça se célèbre de belles façons. Ouais, nous, on est très excités. On va sûrement être pas mal. On n'est jamais venu. Vous êtes venu à Shawinigan. J'allais vous voir à Shawinigan. On va souvent au Trou du Diable. Ouais, ça, c'est, on est comme un mais peu. Mais à Trois-Rivières comme tel, jamais. C'est pas pareil. Fait que c'est comme notre déviergeage. Ah, ben. Puis le dôme, j'aime ça parce que ça donne un igloo. Je dirais ça de même. Là. C'est vrai, si tu poses la question, là, je réponds. C'est vrai. Et parlant de igloo, il va y avoir de la bière sur place parce que c'est pas un dôme de l'alcool. Igloo. Ça, c'est le genre de joke que tout le monde va comprendre. Fait qu'on a pas le choix de la faire. Ouais, voilà. Fait qu'on a quand même sorti quelques gags. Puis tu peux faire ça avec n'importe quel breuvage, c'est ça qui est le fun. Hein. Même si tu bois du Coca-Cola. C'est vrai. Tu peux faire igloo, mais tu vas peut-être t'étouffer après 4-5 igloo parce que si ça sort par le nez, c'est pas le fun. D'autres jeux de mots avec dôme, mettons. Donne-moi donc 5 piastres. Ah, c'est bon ça, j'aime ça, en voulant un. Moi, j'avais dit Dominique Michel. Oh! Quand même, ouais. Oh, Dave, il manque juste toi, là. Je suis perdu, là. Ça roule trop. Comment est-ce que vous faites un show Artist of the Year? Pouvez-vous me faire une démonstration? Ouais. J'aimais mieux Dominique Michel. Comment fait le choix avec ça? Merci à vous deux, Camille et David. Merci énormément. Artist of the Year, excellent show ce soir, j'en suis certain. Je vais vous revoir parce que c'est moi qui anime ça ce soir, le show. Tu venais danser avec nous sur scène? Oh yeah! T'as-tu tes plumes pis ta paillette? Oh no! Ah ouais, t'as-tu le temps d'aller en chercher? Non mais nu, hein, nu. Nu, ben oui, nu. Oui, nu. Sûr, nu, ben ça marche. Voilà. Less is more qu'ils disent en anglais, là. Non? Ouais, je pense qu'ils disent ça. Less is more. Ouais. Merci les gars. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. À toi aussi. Bye. À plus tard, là. Ok. Hey, on va se quitter avec une pièce de Artist of the Year. Vous avez le droit de choisir absolument n'importe quelle pièce. J'avais oublié de vous le demander tantôt. Choisissez une pièce parmi n'importe quel album qui est sur votre Bandcamp, puis je vous joue ça là. Pas pire, ça? Juste bon deal. As-tu Crazy Granny? Es-tu dessus? Ben oui, j'ai Crazy Granny. Ben, mais non, Crazy Granny. Mais c'est attends un peu, à part là, je veux dire. Yeah! Crazy Granny, Artist of the Year, merci. Bye. À plus tard. Salut. C'était Crazy Granny, the Artist of the Year dans les Palmarès. On les remercie bien sûr de leur participation à notre émission et on les retrouve dans le Dôme ce soir, mercredi, à 21h sur le campus de l'UQTR. Encore une fois, les billets sont disponibles jusqu'à 18h, jusqu'à la fin de notre émission sur le pointdevente.com. Passez par la page Facebook de C'est Fou en général pour avoir plus d'informations là-dessus. C'est plus facile que de retenir tout, donc tapez C'est Fou sur Facebook. Voilà, on les remercie. Donc, on est en tour pour le numéro 7 du côté anglophone. C'est Viet Cong avec Continental Shelf qui monte de la 8e place, qui était nouvelle la semaine passée. Mais avant ça, en 7e francophone, ça monte de la 12e. Voici Mastic et Nouveau Empire. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM.

Lisa Leblanc, You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too, en position numéro 6, ça descend de 4, et avant ça, c'était Navarre et Je Te Suis qui monte de 2 sur l'album Temps Bipolaire. C'est la fin de la deuxième heure, on se retrouve dans quelques instants, on parlera assez fou avec la portion top 5. On va enfin savoir si le numéro 1 francophone est toujours Le Couleur et Club Italien, et en anglophone, White Horse avec Downtown. La réponse dans quelques instants, on parlera assez fou. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 16 au 22 mars 2015. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau est toujours. Et quand je dis toujours, j'utilise le sens propre de toujours en congé. Dans le sens qu'il n'est jamais là. Donc, position numéro 5 du compteur anglophone, c'est A. Le tancé numéro 1, White Horse avec Downtown sur l'album Leave No Bridge Unburned. Donc, ça descend de 4 places, 6e semaine de présence. Mais avant ça, en francophone, c'est stable. Voici Lubic et L'Essence. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou. killing me. This relentless drone bombs the quiet streets. You can dance with the devil, you can shuffle. Killing me. Whitehorse, c'est la pièce Downtown, lancée numéro 1 maintenant en 5e place anglophone. C'est triste, mais ça peut remonter. Il y a des chants, il y a des pièces qui font ça des fois. Il se rend au sommet, il redescend un petit peu puis il remonte, ça peut arriver. Du côté franco, on a entendu Lubic avec l'essence qui est stable et qui est là depuis 5 semaines, donc ça fait 555 comme les faux numéros de téléphone d'un film. 555, l'essence de Lubic. Tout à l'heure, en fait, je pense que. J'allais dire tout à l'heure la chronique blablabla, tu sais, je pense qu'on fera pas d'autres chroniques étant donné l'entrevue qu'on a eue tantôt. On va essayer de rentrer le plus de musique possible dans l'émission. Donc en quatrième place, c'est Hillotrons en anglophone qui monte de 4 avec Animal I Love You. Mais on débute avec Trio qui monte de la 20e place. De la 20 piastres. Je paierais pas 20 piastres pour Trio, mais bon. La nouvelle entrée de la semaine passée, la pièce s'appelle Né quelque part. On écoute ça pour ceux qui aiment ça. Trio, au palmarès, c'est fou. 89 FM. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincón es guanico azar. No. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No rincones guanico azar. No rincones guanico azar. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No rincones guanico azar. No. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où Hill Johns et Animal I Love You. Pour ce numéro 4, ça monte de 4. Avant ça, Trio avec Nick quelque part qui monte la 20e place. Ça fait un bonbon de 16 positions. C'est nouveau la semaine passée sur l'album Nick quelque part. Pièce titre donc. En 3e place anglophone, on retrouve The Airborne Toxic Event avec Wrong qui monte de 16 places. C'était aussi nouveau la semaine passée sur l'album Dope Machines. Avant ça, par contre, une vétérane des palmarès. C'est là depuis 8 semaines, mais on ne s'entanne pas. Ça monte d'une place. Voici Robo Lynx de Galaxy. Au 89 FM, c'est fou! You're here in my arms. I love you. Airborne Toxic Event et Wrong. Ça monte de 16 places en 3e anglophone et en franco Galaxy avec Robolinks qui monte d'une place. Vous êtes dans les palmarès Sifu, condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Il reste encore une demi-heure environ de bonne musique. Alors, on est rendu aux 2e place. En anglophone, c'est Elliot Maginot avec Young Old qui monte de 10 places. 5e semaine de présence sur l'album Young Old Everything in Between. Mais avant ça, c'est un classique de Jean Leloup. Maintenant, 7 semaines de présence. Ça monte de la 10e, donc plus 8 sur l'album à Paradis City, voici les Flamants Roses. 89 FM, c'est fou. Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons, pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses vole dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière, les flamants roses éclatent de lumière. Comme les montagnes s'allume dans le noir, sous la lueur lunaire, dans la neige du soir. Quand quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur. Les flamants roses s'en vont vers le soleil. Dans la zone 89.1. Deux. Elliot Maginotti, Young and Old, qui monte de 10 places en deuxième position anglophone sur la barre Young, Old, Everything in Between. Et avant Jean Leloup, bien sûr, avec Les Femmes en Rose, qui monte de 8 places sur l'album à Paradis City. On est déjà rendu au numéro 1. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va pouvoir retourner en arrière un petit peu tout à l'heure à des trucs qu'on a sautés parce qu'on avait tellement de choses dans l'émission d'aujourd'hui. Mais les numéro 1, Colin, c'est on saute rien. C'est tout garni. C'est garni de différentes sortes de viandes, que ce soit du capicolo, du pepperoni. J'ai de la misère à trouver d'autres viandes froides. Sûrement que c'est même pas des viandes italiennes, mais quand même, c'est ce que je vous propose dans un club italien. Hein? De toutes les couleurs, que ce soit brun ou vert, t'sais, et d'autres couleurs que j'arrive pas à trouver. T'sais. Hein? C'est le couleur de club avec le club italien sur l'album Dolce et Désir qu'on entendra en francophone. Alors que du côté anglophone, ben des fois, si tu demandes ton sous-marin pour être grillé au four, c'est souvent qu'il te brûle le doigt. Tu vois qu'il y a comme une récurrence dans le... Parce que le numéro 1, en fait, est stable depuis la semaine passée. Donc, ça me provoque des jeux de mots de sous-marin. J'ai pas le choix. Donc, des fois, tu peux te brûler. Samantha Savage-Smith avec It's a Burn, qui monte de 4 places. Ça fait 7 semaines que c'est là. Et en francophone, on écoute tout de suite stable, comme je le disais. 4e semaine de présence. Voici Le Couleur et Club Italien. Sur C'est Fou, dans vos oreilles. Yeah. première position pour la semaine du 16 au 22 mars 2015 dans les Power Assez Fous. On vient d'entendre Simmons de Savage Smith et l'excellent It's a Burn qui monte de 4 places sur l'album Fine Lines, 7e semaine de présence. Et avant, c'était Le Couleur et Club Italien, tout aussi excellente, qui est stable et c'est là depuis 4 semaines sur l'album Dolce Désir. Ce n'est pas la fin du tout, il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission, donc on a le temps pour retourner un petit peu en arrière, parce qu'on avait à estimer nos temps un petit peu par rapport à l'entrevue qu'on a eue avec Artist of the Year. Ça veut dire qu'on a le temps pour un bloc d'au moins quelques pièces, hein, sinon certainement plusieurs, tu sais. Donc on va entendre tout à l'heure Fauve avec TRW qui monte une place en 7e francophone, mais on débute avec une pièce qui a fait son entrée la semaine passée dans le côté anglophone. Ça monte de 6, la 11e place. Voici Freak Heat Waves et Dig a Hole. Ça, c'est fou. Ça n'est pas l'air assez fou. Ben oui. D'ailleurs que dans des salons de massage douteux d'Asie du Sud-Est, j'ai pas besoin de tes faux miracles en plastique.

C'était Caravan et la pièce Harmony Rocket en position numéro 12 francophone qu'on avait sauté précédemment dans l'émission. Avant ça, c'était Fauve et TRW en 16e place franco. Et au début, c'était Freak Heat Waves, drôle de pièce étrange, Dig a Hole, position numéro 11 anglophone. On se quitte là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute pour les Pommes à Rassifo. On se retrouve mercredi prochain entre 15h et 18h, juste après le Mathieu Plante Show. Après nous, c'est Audiobatique, émission de musique électronique. Et ensuite, le vendredi soir à 17h, après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Polka. Et finalement, le dimanche, entre midi et 15h, restez à l'écoute en général. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une autre pièce de Artist of the Year qui va être en spectacle ce soir, mercredi, dans le Dôme. C'est fou. On les a reçus en entrevue tout à l'heure. Ils étaient tellement sympathiques qu'on leur donne une dernière pièce. Et étant donné qu'on est dans les palmarès, c'est fou, je me suis dit, on va se faire avec un extrait qui a déjà été dans les palmarès. Hein, donc, pour la semaine du 7 au 13 janvier 2013, un genre de C'était fou express, on se quitte avec la pièce Cake for You et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye bye.